mon Dieu, ne te dérobe pas à mes supplications, prête l'oreille, réponds-moi, car mon cœur tremble sous la pression. La frayeur de la mort m'envahit, l'angoisse et le tremblement me submergent. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je fuirais au loin pour trouver le repos. Au milieu